Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. L'été est propice aux sorties en famille. L'Office de tourisme de Nancy vous propose de nombreuses possibilités, animations et découvertes, tout en restant accessible au plus grand nombre. Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing produit à l'Office de tourisme de Nancy. Que peut-on faire cet été ? Beaucoup de choses. Il y a bien sûr des grands classiques comme les balades à la pépinière avec les jeux d'enfants, au jardin botanique. Tout le monde connaît, je pense aussi, le muséum aquarium. Mais je suis certain que vous ne connaissez peut-être pas tous les secrets. Justement, le muséum aquarium propose cet été des rendez-vous sous forme d'ateliers ou d'animations qui permettent en fait d'en savoir un petit peu plus. Voilà, comment est composé le corps d'une méduse, par exemple. C'est vrai qu'on se pose souvent la question. Donc, c'est l'occasion de résoudre ces énigmes. En tout cas, le muséum Aquarium propose toujours des activités ludiques très très bien faites. Donc là, je vous renvoie au site internet du muséum Aquarium. Et puis, eh bien, nous proposons aussi, nous, à l'Office du tourisme, des prestations à faire en famille. Nous avons notamment développé différents circuits avec l'application Baludique, avec un K à la fin. Baludique comme balade et ludique, avec donc des questions qui sont à la fois adaptées aux enfants, mais aussi aux adultes. Comme ça, toute la famille en profite. Des circuits autour de Stanislas, il y en a deux à faire à Nancy en centre-ville. Des circuits plus thématiques autour du patrimoine industriel, par exemple, mais aussi un circuit sur l'Art Nouveau. Pour aussi la réviser, c'est classique. Donc là, il suffit tout simplement de télécharger l'application. Elle est gratuite, bien entendu. Et vous pouvez passer une belle après-midi pour découvrir plein de richesses. Pour les familles, ce sont aussi des circuits à faire à vélo. Je vous rappelle que la Maison du Vélo a déménagé, ouvert de très beaux locaux, patron de l'Office du tourisme, justement, dans la rue Claude Charles, près du parking Stanislas, avec une offre de vélos aussi assez diverse, et dont, bien sûr, certains sont adaptés aux enfants, et qui propose aussi des itinéraires à faire à vélo. Donc, profitez du soleil et allez un petit peu vous dégourdir. On a été confinés, donc c'est le temps maintenant de profiter du bon air. Pour participer, pour vivre pleinement aussi toutes ces animations et ces propositions en famille, il y a un bon plan aussi pour justement faire ça à moindre coût. Oui, bien le bon plan, c'est le City Pass, donc dont l'offre a été revue pour être adaptée à tout type de public et être encore plus attractif grâce à des prix qui ont été revus à la baisse. Et donc, si vous êtes en famille, nous avons un City Pass famille. Alors pour 24 heures, c'est à partir de 46 €. Il peut être aussi en version dématérialisée. En tout cas, vous achetez ce pass, vous présentez dans les musées, vous venez réserver votre visite guidée, vous pouvez prendre les transports en commun. Tout cela est gratuit grâce à ce City Pass et vous pouvez encore en plus bénéficier de réductions. Si vous voulez faire un tour sur la Bergamote, sur le canal, si vous voulez vous promener avec le petit train touristique. Donc le City Pass, c'est vraiment l'outil à la fois pratique et économique pour découvrir toutes les richesses du territoire avec une offre spéciale famille. Parmi les visites aussi que vous proposez pour les enfants, notamment des balades ludiques et animées avec une conteuse. Oui, effectivement, la conteuse Catherine Vernier, avec qui nous avons déjà travaillé l'année dernière, et ça avait été un franc succès, donc nous reconduisons l'opération. Alors avec un circuit autour de Stanislas en centre-ville, donc la conteuse a en fait une série de petits jeux, donc c'est adapté à partir des enfants âgés de 5 ans, donc pour découvrir un petit peu l'histoire de Stanislas et de son fameux nain qu'on appelait bébé, donc qui faisait les joies de la cour du dernier duc de Lorraine, donc pour découvrir à la fois l'histoire de Stanislas et son patrimoine. Et elle propose également d'autres balades ludiques et animées dans le parc de la Pépinière, pour là parler un petit peu de thématiques qui nous concernent tous, notamment le réchauffement climatique, et s'intéresser également à quelques essences d'arbres dans ce très beau parc de la Pépinière. Donc ça, réservation obligatoire toujours, et précision sur le site internet nancy-tourisme.fr. Merci, on s'intéresse maintenant au programme de ce week-end des 1er et 2 août. Oui, donc avec des nouvelles visites thématiques encore, autour par exemple de l'Art Déco, qui sera proposé le samedi 1er août. Une autre visite également un peu insolite, c'est la visite du cimetière de Préville, où sont inhumés d'illustres nancéiens. C'est notre petit Père Lachaise ici à Nancy. On peut découvrir également sur le territoire de la métropole vendredi 31 juillet un soir une commune à Lude pour découvrir le patrimoine historique de cette commune de la métropole du Grand Nancy. Et à nouveau la découverte de la porte de la Craffe avec ses anciennes cellules de prison qui suscitent toujours la curiosité de nos visiteurs. Donc là, la porte de la Craffe, c'est le samedi 1er août. Et pour le dimanche, eh bien, une nouvelle balade à vélo qui cette fois-ci va vers le nord de la boucle de la Moselle. On a déjà proposé vers le sud jusqu'à 9 maisons. Eh bien, bien ce dimanche 2 août. Vous avez donc la possibilité de louer un vélo assistance électrique grâce au partenariat avec la Maison du Vélo. Et on vous emmène jusqu'à Liverdun où un guide nous attend pour découvrir la cité médiévale. On vous demandera par contre de prendre un repas tiré du sac. On pourra pique-niquer sur les rives de la Moselle. En cas de mauvais temps, on pourra toujours s'abriter à l'office du tourisme qui nous accueillera avec grand plaisir, donc à Liverdun. Et on pourra ensuite bénéficier d'une dégustation de madeleine pour le dessert, pour les plus gourmands. Et au retour, on passera par Pompée pour découvrir le site des anciennes aciéries de Pompée en compagnie d'une guide toujours. Donc, une manière de découvrir un patrimoine aussi parfois méconnu aux portes de Nancy qui mérite vraiment le détour. Merci à Vincent Dubois. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site www.nancy-tourisme.fr ou par téléphone au 03 83 35 80 10. L'office de tourisme, c'est place Stanislas à Nancy.